Ouais, ça devient chiant là, ce jeu là. Faut que je fasse une quiche chez moi. Pas le truc. Belle wall, mec, hein. C'est jolie voix. Salam alaikum, mon frère. T'as trop bu toi. Oh, mon frère, tu chantes faux là. Tu chantes faux. Nini, si tu t'es trompé. À croire que tous les Benjamins, ils font les cons. Voici les nouveaux groupes Ninbot Maroc. Encore, vas-y. Oh! Phil, c'est pas vrai, c'est un menteur. Il a dit qu'il y avait un bug, mais c'est qu'il en avait marre. T'es cassé, salaud. Il en avait marre de Radio Algérie.